vent du nord plane sur la vie, laissant les âmes, les cœurs fragiles, balayant les rêves inutiles d'un regard glacé, indifférent. Au fil de nos vies, poussière envolée, dans le silence de la nuit, vent du nord brûle la cité, vieille courbée, enfant oublié, couché à terre au pied de nos portes, avec dans les yeux des lueurs mortes. Alors on détourne la tête, mieux vaut le calme plutôt que la tempête. Jusqu'au bout, croyez pourtant.